Excellence de Marie et de son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi. Première partie, chapitre 1er, second paragraphe. L'aurore, la lune, le soleil. Après la lumière viennent en première ligne l'aurore, la lune et le soleil. Ces trois objets sont aussi des emblèmes de la très sainte Vierge. C'est le sentiment de l'Église et des Pères qui lui appliquent ces paroles des sacrés cantiques, qu'elle est celle qui s'avance semblable à l'aurore quand elle se lève, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, Cantique 6, 9. Voyons les rapports qu'ont ces trois figures avec l'objet figuré. C'est le propre de l'aurore de devenir de plus en plus brillante. Elle est belle lorsqu'elle commence à poindre, et dès lors elle surpasse en éclat tous les astres de la nuit. Elle s'avance sans interruption et parvient à un tel point de splendeur que sa présence fait disparaître les étoiles. Elle ne le cède en clarté qu'au soleil. Le soleil seul peut l'effacer. Elle est distincte du soleil, mais elle lui est tellement unie, qu'on ne peut se figurer d'union plus étroite. Or qui ne voit combien tout cela convient à Marie? Elle aussi, dès son origine, surpasse de beaucoup en grâce toute autre beauté créée. Marie, dès son début, se trouva au point où les autres parviennent quand ils ont atteint le comble de la perfection dont ils sont capables, confer Suarez. Toutefois elle ne s'arrêta pas là, elle grandit et s'accrut sans interruption. À chaque instant elle doublait ses mérites, elle atteignit enfin un tel degré d'élévation, que son éclat resplendissant offusquait, pour ainsi dire, la beauté des âmes les plus parfaites. Seule, elle égala le mérite de tous les autres, seule, elle les surpasse à tous. Elle n'est pas Dieu, mais elle en approche d'aussi près que peut le faire une pure créature. Dieu seul lui est supérieur, excepté Dieu, elle s'élève au-dessus de tous, dit saint André de Crète. Ô Marie, brillante aurore, j'admire votre beauté, je glorifie le Dieu qui a mis en vous ses complaisances et qui a déposé en vous un si riche trésor de grâce, j'admire votre fidélité à coopérer aux faveurs du Très-Haut. Mais quel sujet de confusion je trouve ici dans mes nombreuses infidélités à la grâce. Tandis que votre corps cédait au sommeil, votre cœur ne cessait de veiller, mais moi, j'ai le cœur assoupi, même pendant que mes sens sont éveillés. C'est peu dire, je suis éveillé, ah je ne le suis que trop, mais c'est pour le mal, s'agit-il de faire le bien? Alors je suis tout engourdi. Ah tendre mère, jusqu'à quand souffrirez-vous un fils qui vous ressemble si peu? Ô ma mère, obtenez-moi encore, après tant d'autres grâces, la fidélité à y correspondre. Nous avons dit en outre que Marie est belle comme la lune est donc une figure de Marie. Oui, dit Corneille de la Pierre, dans le premier chapitre de la Genèse, à la suite des Saints-Pères, Luna et Maria, la lune c'est Marie. Mais sous quel point de vue la lune représente-t-elle Marie? La lune est douée d'un grand nombre de qualités. En premier lieu, c'est le plus beau de tous les astres qui brillent pendant la nuit. Dieu l'a créé pour présider à la nuit, Genèse 1, 16. Comme il a créé le soleil pour présider au jour, Ibidem. La lune est l'astre qui a le plus d'influence sur la terre, je dirais presque qu'elle en a plus que le soleil lui-même, si l'on ne savait que c'est le soleil qui lui communique toute la vertu dont elle jouit. La lune reçoit immédiatement sur elle les rayons du soleil, et les renvoie ensuite à la terre, suffisamment tempérée, est mieux approprié à ses besoins qu'il ne le serait, s'il venait directement du soleil. Chacun voit les rapports qui existent ici entre la figure de son objet, Marie est sans contredit le plus beau de tous les astres célestes, excepté le soleil de justice, c'est ce que nous avons déjà vu. Marie exerce la plus grande influence sur l'univers, et il semblerait presque qu'il reçoit plus de Marie que de Dieu lui-même. Les hérétiques, ces éternels ennemis de la Mère de Dieu aussi bien que de son Église, ne manqueront pas de se récrier en nous entendant parler de la sorte. Leurs clameurs ne nous effraient pas, non plus que les murmures de certains catholiques trop enclins à voir de l'exagération dans les pouvoirs que nous attribuons à Marie. Quand les docteurs catholiques enseignent que Marie distribue des grâces en plus grande abondance que Dieu même, ils n'entendent nullement que Marie soit la source de ces grâces, mais bien le canal par où elle découle. Tous les catholiques reconnaissent Dieu pour l'unique auteur de la grâce et de la gloire, psaume 84, 12, mais qui peut nous empêcher d'avoir égard au canal, au conduit céleste qui donne cours à ces grâces? Qui nous empêche de dire en outre que toutes les grâces passent par les mains de Marie? Verrait-on peut-être en cela une nouvelle manière de s'exprimer? Les saints pères n'ont-ils pas appelé Marie le cou du corps mystique de l'Église, le cou par le moyen duquel les esprits vitaux passent de la tête dans le reste du corps? Un saint Bernard n'a-t-il pas dit, depuis plusieurs siècles, que Dieu a voulu que nous recevions tout par Marie? N'a-t-il pas ajouté que tous les dons, toutes les vertus, et toutes les grâces nous sont administrées par les mains de Marie? Que les hérétiques se taisent et que les catholiques apprennent à rendre le tribut de louange qui lui est dû, à cette auguste Vierge proclamée par l'Église, digne de toute louange, qu'ils ne disent pas de Marie qu'elle est Dieu. Cela n'est pas, ce serait un horrible blasphème, mais à cela près, qu'il prodigue à cette tendre mère tous les éloges que la dévotion pourra leur suggérer. Mais n'est-ce pas déroger à la dignité de Dieu, et à celle du médiateur unique? Non, au contraire, on ne fait que l'exalter. Dérogerait-on à la beauté du soleil en disant que l'aurore est belle? Dire que la lune est bienfaisante, est-ce déroger à la bienfaisance du soleil? Ne sait-on pas que la beauté de l'aurore est un effet de celle du soleil, et que les influences de la lune lui sont départies par le soleil? Pharaon perdit-il de sa gloire en établissant Joseph le distributeur de ses dons? Les Romains ont-ils abaissé leur majesté pour avoir donné à leurs sujets un pouvoir plus que royal? Leur puissance n'a-t-elle pas éclaté au contraire alors qu'ils créaient des potentats? Ne craignez pas, Dieu ne perd rien, mais nous gagnons beaucoup à nous montrer reconnaissants envers Marie. Aux lunes éclatantes, aux lunes bienfaisantes, lune sans tache et sans éclipse, lune qui resplendissait dans la nuit de ce siècle, bien différente de la céleste Jérusalem dont la lumière est l'agneau. Lune créée pour consoler et guider les malheureux qui voyagent dans la nuit de ce monde infortuné. Psaume 104, 39. Soyez notre lumière, distribuez-nous les grâces divines, et penchez sur nous vos salutaires influences. Chrétiens, je m'adresse à vous tourner les yeux vers Marie, le laboureur qui désire voir sa terre porter du fruit, observe souvent la lune. Contemplez donc aussi cet astre bienfaisant, si vous voulez que votre terre produise son fruit. Choisis comme le soleil, Cantique 6, 9. Quel est ce soleil à l'instar duquel Marie fut choisie? Ce soleil, c'est le Christ, répond le savant et pieux Corneille de la Pierre, c'est le vrai soleil de justice, c'est le grand luminaire qui éclaire tout homme venant en ce monde. Jean 1, 9. Et Marie fut choisie comme lui. Mais que signifie ce choix? Il pourrait s'entendre dans le sens de prix ou mérite. puisqu'on dit ordinairement d'une chose précieuse que c'est un objet de choix. Les paroles choisies comme le soleil, prises en ce sens signifieraient que Marie est précieuse aux yeux de Dieu, proportion gardée, comme Jésus-Christ lui-même, le fruit de ses entrailles. Je laisse toutefois cette explication, pour m'en tenir à la suivante que j'emprunte à un savant auteur, voir le Padre Paolo Signori, Mana dell'Anima. Marie est choisie comme le soleil, parce qu'elle a été choisie en même temps que le soleil. Lorsque le Très-Haut a décrété la venue du Verbe divin sur la terre, il a aussi déterminé la création de Marie qui devait en être la mère. Par le même acte par lequel fut choisie l'humanité sacrée du Sauveur pour l'union hypostatique, la mère dont il devait naître fut aussi choisie. C'est une vérité indubitable pour tous les théologiens, quel que soit leur système. Mais quand l'incarnation divine a-t-elle été décrétée? Quand, de toute éternité, est-ce antérieurement à toute chose de priorité de raison? Ce qu'il y a ici de plus probable, selon moi, c'est le sentiment de saint Thomas et de ses disciples. Ils disent que le décret de l'incarnation a été précédé, de pure priorité de raison, par la prévision du péché de nos premiers parents. Dieu a prévu le péché de toute éternité, et de toute éternité il a décrété qu'il y aurait un réparateur, il a vu de toute éternité que dans le paradis terrestre, sous cet arbre fatal, la première femme et le premier homme lui désobéiraient en mangeant le fruit défendu, et de toute éternité il leur substitua un autre homme qui fut le Christ, et une autre femme qui fut Marie. D'où il me semble qu'on peut très bien appliquer à ce sujet les paroles du Cantique 8, 5, « Je vous ai suscité sous le pommier, c'est là que votre mère s'est corrompue. C'est là que celle qui vous a donné la vie a perdu sa pureté. » Il me semble, dis-je, que ces paroles peuvent s'adresser à Marie, c'est là que je vous ai suscité, ô ma fille de prédilection, c'est là, sous cet arbre où fut corrompue la fidélité d'Ève, votre première mère, là où elle fut violée, vous avez été élue. Vous avez été adopté pour n'être jamais violé, vous avez été préservé de la contagion commune, vous avez été choisi, afin que, comme la première femme fut une occasion de ruine pour le genre humain, ainsi vous fussiez une occasion de salut pour les malheureux enfants d'Adam. Sans Ève, Adam n'eût point perdu la grâce, et sans vous, mon Fils unique ne l'aurait pas apporté de nouveau sur la terre. Que s'il en est ainsi, comme je le pense, je ne craindrai pas, ô Marie, de m'approcher de vous avec une confiance filiale, et de vous dire le sentiment qu'éprouve mon cœur, je sais que vous êtes bonne, et que vous savez tout supporter, vous ne vous irriterez pas contre moi si je vous découvre ma pensée. Vous avez donc été, ô ma mère, permettez-moi de vous le dire, vous avez été choisie à cause du péché, vous êtes en quelque sorte redevable au pécheur de votre élévation. Si nul homme n'avait péché, vous n'eussiez pas été choisie pour la sublime dignité de mère de Dieu. Car si l'homme n'avait pas péché, dit saint Augustin, le Fils de l'homme ne serait pas venu. Sermon 174, 2. Voir saint Thomas d'Aquin, Somme théologique 3, 1, 3. Ma mère, vous savez mieux que moi les conséquences qui découlent de ce principe, vous les connaissez, et de plus vous mettez en pratique celles que je voulais vous rappeler. Vous vous intéressez avec un saint amour au sort des pauvres pécheurs. Vous vous faites gloire d'être appelé leur refuge. Ô ma mère, ma tendre mère, d'où vient donc que tant de malheureuses s'obstinent à demeurer dans l'état du péché? N'auriez-vous pas tout l'empressement désirable de procurer leur conversion? Loin de moi cette supposition. Et d'où vient donc leur endurcissement? Il ne peut venir que de l'obstination à fermer l'oreille et le cœur à votre voix. C'est à eux, et non pas à vous que je devais m'adresser. Mais comment le faire? Ma mère, vous le voyez, je ne puis élever la voix assez haut pour être entendu. Vous pouvez, quand vous voulez, me préparer la voix pour que j'aille leur parler. Je n'en dis pas davantage, vous connaissez mes vœux. Ah, s'il m'était donné de suivre un jour les élans de mon cœur, je ferais retentir ma voix, et crierais à ces malheureux, mes pauvres frères, pourquoi n'élevez-vous pas vers le ciel vos esprits et vos cœurs? Vous êtes pécheurs, eh bien, pourquoi ne pas recourir à celle qui est votre mère, votre refuge? Craindriez-vous d'en être repoussé? Non, non, ne craignez rien, elle vous accueillera avec amour, avec bonté, elle préparera un baume pour vos plaies, elle vous rendra le salut que vous avez perdu par le péché. Je voudrais leur dire bien d'autres choses encore, mais quand le pourrais-je? Quand, ô ma mère? Vous le savez, pour moi, je me jette entre vos bras, je m'abandonne à votre providence maternelle. Markham d'anarchive.org 2023 d'après Books Google FR. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial. Partage à l'identique.